Namkaribisha mtu wa Mungu. Reverend Hilary Otono. Reverend Hilary Otono. Thank you very much. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I enjoy so much worship. Je me réjouis beaucoup quand j'adore. Worship is one of the things that really makes me happy. L'adoration, c'est quelque chose qui me rend heureux. Coming to church. Venir à l'église. I always like to see and to experience worship. J'aime souvent voir l'adoration et d'expérimenter l'adoration. And I'm glad to be in your midst this very evening. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir. I know that he that began the good work will perform it to a perfection. Je sais que celui qui a commencé le bon travail va l'amener jusqu'à la fin. I pray that I am able to finish on time today because today we are going to pray. Je prie que je sois capable de terminer à temps aujourd'hui parce que aujourd'hui nous allons prier. Amen. Amen. Amen. Amen. I hope some people will not hurry home as they did yesterday. Je crois que quelques gens n'arriveront pas à la maison en retard comme hier. Amen. Amen. Because many people carry their bag and we. Parce que quand nous étions en train de prêcher, il y a des gens qui sont sortis en plein service. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Today, aujourd'hui, the Lord laid in my heart. Le Seigneur m'a guidé dans mon cœur. To minister on the topic, de parler sur le thème, revival, sur le réveil, the weakness of revival, les faiblesses du réveil. Why there are weaknesses and no continuous revival? Pourquoi il y a de faiblesses et il n'y a pas un réveil continuel? I will only mention one point here. Je vais juste mentionner un point ici. Sorry, I'm dominating you. I only mention one point that we will deal on. Je veux juste mentionner un point que nous allons parler. Satan is one of the oldest beings on earth. Le Satan est parmi les êtres anciens sur la terre. The Bible never warned us of the power of Satan. La Bible ne nous a pas avertis de la puissance du Satan. But the Bible warned us of his trick. Mais la Bible nous a avertis de ses tactiques. His wiles. The ruse. Il nous a avertis de ses ruses. His wiles. Il est rusé. Amen. Amen. That is where the scripture really warned us. C'est ça, c'est que les Écritures nous ont avertis. But every day, we commit certain things that we point to the devil. Mais chaque jour, nous commettons des choses que nous accusons, que nous pointons vers le Satan. Why is there no revival? Pourquoi il n'y a pas le réveil? Why are we praying daily and there is no revival? Pourquoi nous prions chaque jour mais il n'y a pas un réveil? Why are we believing God and we are not seeing those things that we ought to see? Pourquoi nous croyons en Dieu mais nous ne voyons pas les choses auxquelles nous croyons en Dieu? Why and why and why? Le pourquoi et le pourquoi. Today, aujourd'hui, I want to bring out one of the points. Je veux amener un point. And that is the seed. Et ça, c'est le semence. La semence. The seed. La semence. According to the English dictionary, partant du dictionnaire anglais, the seed is a fertilized grain. La semence, c'est un grain qui est fertilisé. Initially encased in a fruit. Initialement, il se retrouve dans un fruit. So, you cannot call something a seed when it is not fertilized. Alors, vous ne pouvez pas appeler quelque chose comme la semence tant qu'elle n'est pas encore fertilisée. Amen. Amen. We can see this whole place plain. Nous pouvons voir tout cet endroit vide. And we can see that There is no seed here. Et nous pouvons voir qu'il n'y a pas la semence ici. But I tell you, mais je vais vous dire, if nobody comes to this place, si personne ne vient à cet endroit, for some time, pour quelque temps, and there is rain, et il y a la pluie, you will see plants growing. Vous verrez des arbres sortir. There are different types of seeds. Il y a différents types de semences. There are seeds that can resist long time before they manifest. Il y a des semences qui peuvent résister pour longtemps avant qu'elles ne se manifestent. There are seeds that manifest immediately. Il y a la semence qui peut se manifester immédiatement. There are different types of seeds. Il y a différents types de semences. There is the seed they call the sparrow in a Greek word, they call them sparrow. Il y a la semence qui est appelée en grec sparrow. There is seed that they call the sparma. Il y a la semence qui est appelée sparma. The sparma is a speech that you say. Le sparma, c'est la parole que vous parlez. The Bible says, la Bible dit, the words that I speak unto you, que la parole que je vous ai prononcée, they are spirit, elle est esprit, and they are life. Et elle a la vie. The words, la parole. The words, la parole, the words, la parole, the words, la parole, that I say unto you, la parole que je vous ai dit, they are spirit, elle est l'esprit, and they are life, et elle est vie. That means, cela veut dire, the words that we speak, that les paroles que nous prononçons, they are seeds, elles sont une semence. In the Greek word, they call them sparma. Dans le mot grec, on les appelle sparma. It is you that will develop the word to bring forth fruit. C'est toi qui vas développer la parole en toi pour produire les fruits. Are you going with me? Est-ce que nous sommes ensemble? Are you going with me? Sommes-nous ensemble? If you are going with me, there, say hallelujah. Si nous sommes ensemble, dites hallelujah. Say it well. Say hallelujah. Say hallelujah. So when you speak words into the life of someone, alors quand vous prononcez la parole dans la vie de quelqu'un, you have sown seed in that man. Vous avez planté une semence dans cette vie. You have sown seed in that woman. Vous avez planté la semence dans cette femme. Sometimes we tell our children you are good for nothing. Des fois nous disons à nos enfants vous êtes inutiles. As you keep saying it, quand vous continuez à le dire, you are sowing seed in that child. Vous êtes en train de planter une semence dans cet enfant. A time will come, et le temps va arriver, that child will never believe in himself. Que cet enfant ne va même pas croire en lui-même. What have you said to people? Qu'est-ce que vous aviez toujours dit aux gens? Some people are very good. Il y a des gens qui sont vraiment bons. They have good gifts. Ils ont un talent. When they speak to you, quand ils vous parlent, you go and cry. Tu peux aller et pleurer. That is not a good one. Ça, ce n'est pas un bon talent. They are very good. You don't, ils sont bons. You don't try them when it comes to quarrel. Il ne faut pas jouer avec eux quand il faut se quereller. Because they will look for something. Parce qu'ils vont chercher quelque chose. They can say it to you instantly. Ils peuvent juste te dire des mots instantanément. It will cause earthquake on your brain. Et ça va créer le turbulent dans vos cœurs, dans vos têtes. What seed have you sown in the life of people? Quelle semence as-tu planté dans la vie de gens? The seed. La semence. The seed. La semence. Matthieu 13, 32. Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu 13, 32. Matthieu 13, 22. 20, oh no, 27, please. 13, 27. Matthieu 13, 27. La Bible dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Amen. Amen. God sowed good seed in us. Dieu a planté la bonne semence en nous. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. This day we have presented ourselves to you. Ce jour, nous nous sommes présentés à toi. Your children have come. Tes enfants sont venus. To hear from you. Pour vous écouter. To be quickened by you. Pour être instruit par toi. To be revived by you. To be réveillé par toi. God of grace. Dieu de grâce. Speak to us. Parle-nous. That word that will revive us. Les paroles qui vont nous réveiller. That word that will quicken us. Les paroles qui vont nous réveiller. Thank you for your mercy. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Let you be seen on this altar today. Laisse que toi tu puisses que tu sois vu sur cette chair aujourd'hui. Let your name be glorified. Laisse que ton nom soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. There are different types of seeds. Il y a plusieurs types de semences. There are different people with different anointing. Il y a beaucoup de gens, différentes personnes avec différentes onctions. And these people, when they speak certain seed to, words to you. Et ces différentes personnes, quand ils parlent les mots à toi. You will leave your position. Tu peux même quitter ta position. Be careful of them. Sois prudent avec eux. Some time ago, quelque temps passé, a son got married. Il y a un garçon qui s'est marié. And he told me, et il m'a dit, Daddy, père, this woman is a devil. Cette femme est un démon. Said, why do you think so? Je lui ai dit, pourquoi tu penses comme ça? He said, whenever I think I will not quarrel. Il me dit, à chaque fois que je pense que je n'aurai pas de querelle, when I get home, quand j'arrive à la maison, I will see myself quarreling. Je vais me trouver dans des querelles. And I told him, et je lui ai dit, she's the best for you. Elle est la meilleure pour toi. He said, why do you say il so? M'a posé la question, pourquoi tu dis cela? Every hidden character in you, that chaque caractère caché en toi, when you get married, quand tu te maries, your wife is able to ignite them, like, ta femme est capable de l'allumer. Everybody clap on for women, oh. Que tout le monde acclame pour les femmes. What your mother did not discover, ce que ta maman n'a pas découvert, your wife will discover it. Ta femme va le découvrir. Because when she says something, parce que quand elle va te dire quelque chose, and you are able to stand and endure, et tu seras capable de résister, that means you have been good. C'est pour dire, tu es déjà bon. She's the only one. Elle est la personne. She's the only one. Elle est la personne. That has the key. Elle est la seule personne qui a la clé. To make you hot. Qui a la clé de te rendre chaud. That, to make you cold. Ou de te rendre froid. Or to keep you at the middle. Ou bien de te garder au milieu. Clap on for women again. Acclamons pour les femmes. Hallelujah. Amen. So please, the seed we sow in the life of people matters most. S'il vous plaît, le semence que nous plantons dans la vie des gens est très importante. What kind of seed do you sow? Quel genre de semence tu es en train de planter? What kind of seed do you sow? Quel genre de semence tu es en train de semer? Many of us we sow seed. La plupart de nous, nous sommes en train de planter. We don't know when we sow seed. Mais nous ne savons même pas quand nous les avions plantés. The good man went out to sow seed. Il y a un bon monsieur qui est allé pour planter la semence. After sowing good seed, après avoir semé la bonne semence, he went to rest. Il est allé se reposer. Another person came, et quelqu'un d'autre est venu. And sowed the evil seed. Il est venu semer la mauvaise semence. That one is known by everyone. Cela est connu de tous. In the scripture, Dans l'écriture, it is a common place. C'est a common place. Il y a un endroit that commun. Everybody read. Il y a un endroit commun que tout le monde peut venir. No, I mean the very portion we read is a common place that everybody know. Okay, very well. L'écriture que nous avons lue, c'est l'écriture qui est commun que tout le monde connaît. The sower went out to sow. Que le fermier est allé semer. The good man went out to sow. Un bon monsieur, il est allé pour semer. As you were growing up in life, quand nous grandissions, some people have sown seed in your life. Il y a les gens qui ont semé la semence dans votre vie. Many people came out yesterday to release people. Plusieurs sont venus hier pour relâcher les gens. That have sown different seeds in their life. Les gens qui ont semé les différentes sortes de semences dans leur vie. Today, aujourd'hui, I want you to understand, je voudrais que vous compreniez that there are different types of seeds. Qu'il y a plusieurs sortes de semences. There is another one that the Greek word called synapi. Il y a d'autres semences qui sont appelées en grec synapi. These are seeds that carry the grace to hurt human beings. Ça, ce sont les semences qui ont la grâce de rendre l'être humain chaud. To hurt. To piquer. Okay. Ça, c'est la semence qui a la grâce de faire mal à l'être humain. They have thorns. Ils ont les épines. These are seeds also. Ça, c'est aussi les semences. What am I talking about? De quoi je parle? These different types of seeds. Ces différents types de semences. Synapi is a seed. C'est une semence. That when it falls to the ground. Et quand tu les jettes sur la terre. Is very small. Elle est trop petite. It can grow and become very great. Elle peut grandir et devenir grand. And the example is the mustard. Et l'exemple, c'est la graine de moustarde. It can grow very big. Elle peut grandir et devenir grand. Today, aujourd'hui, as we are here, comme nous sommes ici, many things have happened in our lives. Plusieurs choses se sont passées dans notre vie. Many issues, beaucoup de choses, have happened in our se sont passées dans nos vies. There are things we cannot trace. Il y a les choses que nous ne pouvons même pas tracer. Because of seeds. À cause de la semence. Many years ago. Plusieurs années passées, I lost my elder brother. J'ai perdu mon grand frère. As I took the cup home, the corpse home, quand j'ai pris le corps, quand j'ai rapatrié le corps en famille, somebody saw me. Quelqu'un m'a vu. Said, long time. Il m'a dit, oh, ça faisait longtemps. Where are you now? Tu es maintenant où? Tu es What basé are où? You doing? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? I said, I am a pastor. Je lui ai dit, je suis devenu pasteur. I said, please come and eat. Il m'a dit, non, venez et mange avec nous. I said, no, I don't want to eat. Je lui ai dit, non, je n'ai pas envie de manger. He said, please, you have to eat with il m'a dit, non, s'il te plaît, tu dois manger avec nous. You have to show to me that you still love me. Tu dois me prouver que tu m'aimes toujours. He said, or are you afraid of me? Je lui ai demandé, as-tu peur de moi? He asked me, il m'a demandé, as-tu peur de are moi? You afraid of me? Il m'a posé la question, as-tu peur de moi? I said, I'm not afraid of you. Je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi. Why will I be afraid of you? Pourquoi aurais-je peur de toi? He said, then eat. Il m'a dit, alors, assis-toi et mange avec so nous. That I was feeling ashamed. Alors, j'ai eu honte. I picked meat inside the food. J'ai pris la viande dans la nourriture. And I ate it. Et j'ai mangé. I said, it's okay. Je lui ai dit, oh, ça va, c'est I bon. I am crying. It's not a time of joy to eat. Je suis dans le deuil. Ce n'est pas le temps pour moi de manger. I did not know. Je ne savais pas that food was a seed. Que la nourriture qu'il m'a donnée était une semence. Amen. Amen. I never knew that it was a seed. Je ne savais pas que c'était une semence. I got back to Niger. Je suis rentré au Niger. And the church scattered. The church scattered. Et mon église s'est dispersée. One rumor came up from nowhere. Des rumeurs sont venues de je ne sais d'où. Blah blah blah blah. It was joke. People started leaving the church. C'était comme une blague. Et les gens ont commencé à quitter l'église. What is this? Je me suis posé la question. C'est quoi? I started praying. J'ai commencé à prier. I started seeking God. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. I started seeking God. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. As I was praying. Comme je priais. One day, un jour, it was like I vomited. C'est comme si j'ai vomi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And when I vomited, et quand j'ai vomi, in the revelation, dans la révélation, some birds were passing. Il y avait les oiseaux qui passaient. And they cried. Et les oiseaux étaient en train de crier. You might have been released from that captivity. Que tu peux être relâché de ces captivités là. But your star have been sold to Ross. Mais ton étoile nous a été vendue. We will never release it. Nous ne la libérerons jamais. When I saw this revelation, quand j'ai vu cette révélation, I knew, je savais that the seed que la semence is in me. Était en moi. Today, aujourd'hui, there are a lot of problems. Il y a beaucoup de problèmes in Christendom. Dans la vie chrétienne. What are these problems? Quels sont ces problèmes? The seed. C'est les semences. The seed. Les semences. The seed. Les semences. A man was in his office. Un monsieur était dans son bureau. And his secretary came. Son secrétaire. Son secrétaire est venu. And said, et lui a dit, this food is very sweet. Cette nourriture, elle est bonne. Test it. He said, no. Tu peux la tester. Il dit non. No. He said, just test it. Et le secrétaire a insisté. Are you afraid of me? Et tu as peur de moi. You think I put poison tu there? Tu penses que j'ai mis du poison. You don't want to die? Tu ne veux pas mourir. You want to remain? Tu veux rester en vie. He said, okay, bring it. I'm not afraid of you. Il dit, ok, donne-moi la nourriture. J'ai pas peur de he toi. He took a spoon there. Et il a pris une cuillerée. And ate it. Et il a mangé. That was all. Et c'était. As she got home, as he got home. Quand il est rentré à la maison. The first fight between him and the wife started. C'était là le premier guerre avec sa femme. The first fight. C'était le début du premier guerre avec sa femme. They kept fighting. Ils ont commencé, ils ont continué à se battre. He was tired. Il était fatigué. Of the marriage. Il était fatigué de sa maison. The seed. La semence. The seed. La semence. Some people eat it in the dream. Il y a quelques gens qui mangent la semence dans leur rêve. Because they have eaten it in the physical. Parce qu'ils les ont déjà mangés dans le monde physique. And when they start eating it in the dream, alors quand ils commencent à les manger dans leur rêve, what happens? Qu'est-ce qui se passe? Because they have taken the physical one, parce qu'ils ont déjà mangé dans le monde physique, in the dream, et maintenant dans le rêve, if it is to block them, si c'est pour les bloquer, anytime breakthrough want to come, à chaque fois qu'il y a une percée qui veut venir, they will bring the food. On va leur apporter la nourriture. This is your breakthrough. Ça c'est ta percée. Give me your breakthrough. Donne-moi ta percée. And take this food. Toi tu prends la nourriture. And they will begin to eat. Et ils vont commencer à manger dans leur rêve. Some people's only sickness. D'autres c'est la maladie. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Is somebody hearing me? Il y a quelqu'un qui m'entend. Some people's only sickness. Il y a les autres, leur semence, c'est la maladie. There was a little girl. Il y avait une petite fille. Not a little girl, a young girl, a young lady. Il y avait une jeune fille. That became paralyzed. Qui était paralysée. At once. Immédiatement. But what happened? Mais on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. She never told anyone. Elle n'avait dit à personne. That every night. Que chaque nuit. A woman used to bring food for her. Il y a une femme qui l'amène la nourriture. Every night, chaque nuit, the woman, you know, we in the West, we eat panda diam. You know, nous qui venons de l'Ouest, nous mangeons les panda diam. No, say it in French. Panda diam is pounded. Amen. Hallelujah. It's yam pilé. Les yam pilé, voilà. Hallelujah. That is what we eat. C'est ça la nourriture de in l'Ouest. The night, et la nuit, they will bring it for this lady. On apportait à cette fille cette nourriture. And she will eat it very well. Et elle pouvait manger calmement. She will eat the food very well. Elle pouvait manger cette nourriture calmement. She will walk again. Elle pouvait marcher. To her bed and sleep. Elle pouvait rentrer au lit et dormir. She will walk with her foot. Elle va marcher physiquement, rentrer au lit et dormir. In the morning, et le matin, she become a cripple. Elle est devenue paralysée. One day, un jour, somebody came to pray for her. Quelqu'un est venu prier pour elle. She gave her life to Christ. She gave her life to Christ. Elle a donné sa vie à Jésus. And they started praying. Et ils ont commencé à prier. They prayed and they prayed and they prayed. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont jeûné. That week, cette semaine-là, her eyes opened. Ses yeux sont ouverts. Her conscience came back. La conscience est revenue. In the dream, dans le rêve, An old woman said, "Get up, my daughter." Et dans le rêve, il y a une vieille maman qui l'a dit, "Réveille-toi, ma fille." And she woke up. Et elle s'est réveillée. She woke. He said, "Come this way. I prepared a table for you here." Et la vieille dame l'a dit, "Venez de ce côté. J'ai préparé la table pour toi." And she sat there. Et elle est venue. Elle s'est assise à la table. She opened the food. Elle a ouvert la nourriture. She looked at the woman. Elle a regardé à la femme. Said, "I'm not hungry." Elle a dit, "Mais je n'ai pas faim." He said, "No." Et la vieille dame a dit, "Non." What has happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé à toi? It's a command. C'est une commande. Eat tu now. Dois manger maintenant. He said, "In the name of Jesus." Et la fille a répondu, "Au nom de Jésus." You sit down and eat this food. Toi, tu t'assois et tu manges cette nourriture. And she sat down and ate the food. Et elle s'est assise, elle a commencé à manger la and nourriture. Said, "You have killed me." Elle a dit, "Tu m'as tué." She went back and lie down. Et la fille est rentrée et s'est endormie. In the morning, et le matin, she knew already that she cannot walk. Elle savait déjà qu'elle ne pouvait pas marcher. In the morning, et le matin, she got up. Elle s'est réveillée. Wanted to take the sticks. Elle voulait prendre le béquille. Le béquille. And she walked to the sticks. Mais elle a marché vers le béquille. And she remembered. Elle s'est rappelée que that her legs can walk. Que elle pouvait marcher d'elle-même. And she called her parents. Et elle a appelé ses parents. She narrated the story to elle a, her parents. Elle a raconté l'histoire. She said, "I have been dreaming this dream many years." Elle a dit que j'ai eu ce genre de rêve plusieurs années. I never told anybody. Et je n'avais jamais dit ceci à personne. I don't know why I could not tell anybody. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas le dire à quelqu'un. Today, aujourd'hui, every secret thing that I have used to hold you in one place, chaque secret qui t'est gardé en même position, by the power of the blood, par la puissance du sang, you are released in the name of tu Jesus. Es relâché au nom de Jésus. The seed, la semence. There are seeds. Il y a des semences. When a man and a woman come together, quand l'homme et la femme se rencontrent, until the seeds get fertilized. Jusqu'à ce que le the egg get fertilized. Jusqu'à ce que l'œuf soit fertilisé. It is not yet a seed. Ce n'est pas encore la semence. Do you understand? Vous m'entendez? There are many seeds they have sown in the life of people. Il y a plusieurs semences qui sont semées dans les vies des gens. There are seeds that are speaking vengeance. Il y a les semences qui parlent vengeance. There are seeds that people have spoken to you and anytime you remember, you want to revenge. Il y a les semences que les gens ont prononcées à toi. À chaque fois que tu penses à cela, tu veux donner la vengeance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. The seed. La semence. The seed. La semence. Jesus said. Jésus a dit. The prince of this world cometh. Que le prince de ce monde vient. Said he had nothing in me. Et il a rien en moi. What is the prince of this world having in you? Qu'est-ce que le prince de ce monde a en toi? What is that seed? C'est quoi cette semence là? There are some people. Il y a quelques gens. When it is time for them to pray. Quand c'est le temps de prier. As they bow down their head. Quand il s'agenouille pour prier. That is when you begin to hear. C'est alors qu'il commence à ronfler. Because the seed. Parce que la semence. We don't allow them. La semence ne les permet pas. To some people. Aux autres. It is when they carry their Bible. C'est quand ils prennent leur Bible. Their Bible is the sleeping tablet. La Bible devient le médicament de somnifères. And they sleep off. Et ils dorment. Because of the seed. C'est à cause de la semence. To some people, aux autres, it is when they promise them marriage. C'est quand on leur promet le mariage. The seed will arise. La semence va s'élever. There was a young girl in our church before. Il y avait une jeune fille dans notre église. Anytime somebody promised her marriage, à chaque fois que quelqu'un pouvait la promettre mariage, they can be on that relationship for 1 year. Ils peuvent être dans la relation pour une année. From the time you promise her marriage, seulement le jour que l'homme va prononcer le mariage, she will give a dirty slap to the man. Elle va gifler l'homme. Not once. Même pas une fois. Bah, bah, bah. Plusieurs fois. And the man will run away. Et l'homme va fuir. What seed is in you? Quelle semence est en toi? Let's come to ourselves. Let's come to ourselves now. Revenons maintenant à nous. Do you think there is a seed in you? Penses-tu qu'il y a une semence en toi? Can I break it down a bit? Est-ce que je peux un peu expliquer cela? There are people. Il y a les gens. In their dream. Dans leur rêve. They are going to. What is the name of the border? The border. Ils vont à la frontière, à la grande barrière. They made up their mind that I'm going to the border. Ils ont mis dans leur tête que je suis en train d'aller à la frontière. They will turn, turn, turn, turn. Mais ils vont they tourner, will never get there. tourner pour ne jamais arriver à la frontière. Because there is a seed in parce qu'il y a la semence en eux. To some, pour les autres, they will climb mountain, climb, climb. They will ils never, peuvent monter les montagnes. They will climb and fall, climb and fall. Ils essayent de monter et ils retombent. What seed is in you? Quelle semence est en toi? Jesus said, Jésus a dit the prince of this world cometh, que le prince de ce monde vient. He has nothing in me. Mais il n'a rien en moi. He has nothing in me. Il n'a rien en moi. What seed is in you? Quelle semence est en toi? Your seed will determine if you will grow or you will fall. Ta semence va déterminer si tu vas grandir ou tu vas être en bas. I want you to know, je veux que vous puissiez le savoir. Every one of you that tout le monde ici have been given grace a été donné la grâce to expand. Pour s'épanouir. Devenir grand. Pour s'épanouir. Amen. Amen. That is what God have done. C'est ça ce que Dieu a you fait. You are not meant to struggle. Tu n'es pas créé pour passer des difficultés. All your life. Dans toute ta vie. There are strugglings. Il y a des gens qui souffrent. No, there are. Il y a des souffrances. But it's not all of them are created by God. Mais are toutes made les by God. Toutes les souffrances ne sont pas créées par Dieu. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? And the Bible said, et la Bible dit, the enemy have done this. L'ennemi a fait ceci. The enemy have done this. L'ennemi a fait ceci. They came and told him, ils sont venus lui dire, we planted good seed. Que nous avons planté la bonne semence. Where did this one come from? Alors, d'où vient cette mauvaise semence? He said, the enemy have done it. Il a dit, l'ennemi l'a semé. What has the enemy sowed in your life? Qu'est-ce que l'ennemi a semé dans ta vie? Some people, quelques gens, it is they see people that pursue them in the dream. Ils voient les gens les poursuivre dans leurs rêves. They see people that pursue them in the dream. Ils peuvent voir dans leurs rêves les gens en train de les poursuivre. They pursue them. On les poursuit. These things stop revival in the life of people. Ces genres de choses arrêtent le réveil dans la vie de quelqu'un. You become canard when you wake up. Canard. Si tu deviens un homme charnel. Quand tu te réveilles. Why? Pourquoi? Because of the seed. À cause de la semence. Because of the seed. À cause de la semence. Today I want to see people that can pray. Aujourd'hui, je veux voir les gens qui peuvent prier. Because the scripture says. Parce que la parole dit. All things are possible. That toute chose est possible. To him that believes. À celui qui croit. Do you believe? Est-ce que vous croyez? Do you know things can change? Est-ce que vous croyez que les choses peuvent changer? Some years ago, il y a quelques années passées, a woman came to me. Il y a une femme qui est venue me voir. Anytime she took in, anytime she took in, she's took in. Okay. À chaque fois qu'elle à chaque fois qu'elle tombait enceinte, somebody will come and take away the pregnancy. Elle va voir quelqu'un venir prendre la grossesse. Anytime she took à chaque fois qu'elle tombait enceinte, someone will come. Quelqu'un viendra And I ask her. Et je lui ai posé la question. Somebody paid your diary before? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé la dot? He said yes. Elle a dit oui. He said he has been asking me to come back. I said I don't want to come back again. Il dit il y a quelqu'un qui a payé la dot avant son mariage et la personne demande que la dame rentre, mais moi je ne veux pas rentrer. She's now married to another man. Elle est maintenant mariée à quelqu'un d'autre. And the man said, et l'homme a dit, you will never give birth. Que tu ne peux jamais, tu ne mettras jamais au monde. What seed is in you? Quelle semence est en toi? Some people in their dream. Quelques gens dans leur rêve. When they are running, quand ils sont en train de fuir, they cannot run. Ils ne peuvent pas fuir. Their legs are heavy. Leurs pieds sont lourds. Because there are evil seeds. Parce qu'il y a une semence démoniaque. What seed do you notice in your life? Quelle semence tu as notifiée dans ta vie? John chapter 14 verse 30. Jean 14 verset 30. 14 30. Jean 14 verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Why does the prince of this world have something in us? Pourquoi le prince de ce monde a quelque chose en nous? 1 John 3, 9. 1 Jean, verset 3, verset 9. Whosoever is born of God? Yes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. There are many people, il y a plusieurs gens, they are living in sin, qui sont en train de vivre dans le péché. We will marry. We will marry. Nous sommes mariés. We will marry. Oh, nous allons nous marier. And they will go and commit fornication. Et ils vont aller commettre la fornication. Some even live together, they are not married. Il y a les autres qui vivent même ensemble, mais ils ne sont pas mariés. That is living in sin. Ça, c'est vivre dans le péché. They did not fall into sin. They are living it. Ils ne sont pas tombés dans le péché, mais ils vivent dans le péché. This is what this book is talking about. C'est ça ce que cette écriture parle. They did not fall inside. Ils ne sont pas tombés dans le péché. Because the seed of God is not in them. Parce que la semence divine n'est pas en eux. If the seed of God is in you, si la semence de Dieu est en toi, you will do the things of God. Tu vas faire des choses selon Dieu. Seed could be inherited. La semence peut être héritée. There are people. Il y a les gens. Their father married four wives. Il y a les gens, leur père se sont mariés à quatre femmes. But the seed of polygamy had not finished in them. Et la semence de la polygamie n'est pas encore finie en eux. What happened? Qu'est-ce qui se passe? He's married to one wife. Il est marié à une femme. They have almost four girlfriends. Mais outside. Il peut avoir quatre copines à l'extérieur. What is it? C'est quoi ça? Is it not the same? Est-ce que ce n'est pas la même chose? He's walking in the step of his father. Il est en train de marcher dans le pied de son père. Il est en train de suivre son père. What seed is in you? Quelle semence est en toi? It is very easy for us to pray. C'est très facile pour nous de prier. But the seed of the enemy, mais la semence de l'ennemi, if it's in you, si elle est en toi, it will draw you down. Elle va t'amener par terre. It will draw you down. Elle va te rabaisser. Jesus said, Jésus a dit, the prince of this world cometh, que le prince de ce monde vient, he have nothing in mais me. Il n'a rien en moi. Some eat in the dream. Il y a les gens qui mangent dans leur rêve. Some do a lot of funny things in the dream. Il y a les gens qui font beaucoup de choses dans leur rêve. I called a woman. J'ai appelé une femme. I said, The husband said, please help me pray for my wife. She always dreams and sees a man in the dream. Le mari a dit, s'il vous plaît, priez pour ma femme. Quand elle rêve, elle voit toujours un homme dans ses rêves. And I told my wife, please go and counsel her very well. Et j'ai demandé à ma femme d'aller et parler avec cette femme très bien. When my wife counseled her, quand ma femme est allée pour la parler, she said, truly, I enjoy that one more than my husband. Elle a dit réellement, je me réjouis de celui-là plus que ma femme, plus que mon mari. I told my wife, et j'ai dit à ma femme, watch that marriage. Observe bien ce mariage-là. It will not last. Ce mariage-là ne va pas traîner. After 2 years, après 2 ans, she left the marriage. Elle a quitté l'homme. What seed is in you? Quelle semence est en toi? There are people that are specialized in sowing evil seed in the life of people. Il y a des gens qui sont spécialisés à semer des mauvaises semences dans les vies des gens. Some spoil little girls. They spoil little girls. Il y a les autres qui sont en train d'abuser de petites filles. Why? Pourquoi? Because they want to sow evil seed in them. Parce qu'ils veulent semer des mauvaises semences en elles. When those little girls grow up tomorrow, quand ces petites filles vont grandir demain, they will not be satisfied with their husband. Elles ne seront jamais satisfaites avec leur mari. Satan is using them. Le Satan est en train de les utiliser to fulfill the ministry. Pour remplir son ministère. What seed do you carry? Quelle semence est en toi? There are people that communicate anger. Il y a les gens qui peuvent communiquer la colère. When you go close to them, quand tu t'approches d'eux, you know, anger is infectious. Vous savez, la colère est une infection. You begin to manifest anger. Tu commences à manifester aussi la colère. The same way we're complaining. La même façon quand nous plaignons. People that complain. Les gens qui se plaignent, if you are close to them, quand tu es à côté d'eux, before you know what is happening, avant que tu ne te retrouves, you'll be complaining very well. Tu commences aussi à te plaindre. What seed is in you? Quelle est la semence en toi? You are praying. Tu pries. You are not seeing results. Mais tu ne vois pas des résultats. Because of the seed. À cause de la semence. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What seed? Quelle semence? That do you bear? Quelle semence qui est en toi? What seed are you seeing? C'est quelle semence que tu vois? A woman. There are many things. It's a book, but I can't. Il y a beaucoup de choses. C'est tout un livre. A woman bought me a singlet. Il y a une dame qui m'a acheté un singlet. You know singlet, what you wear inside. Yeah. And bought me pants. Et elle m'a acheté aussi un sous-vêtement. And gave it to my wife. Et elle l'a donné à ma femme. My wife gave it to me when I came back from travel. Et quand je suis revenu de mon voyage, ma femme me les a donnés. And I said, wow, this is beautiful. Et je me suis dit, wow, c'est très joli. This is expensive. Ça, c'est trop cher. This is hands. Ça, c'est trop cher. So. My wife said, but I just want to show you, this is risky. Mais ma femme a dit, je veux juste te faire voir que ça, c'est trop risqué. I said, why do you think so? Je dis, mais pourquoi tu penses comme cela? He said, I heard that these people here, when they want to take somebody's husband, they buy them exactly this thing. J'ai appris que les gens d'ici, s'ils veulent prendre l'homme de quelqu'un, ils achètent ce genre d'habits. I said, forget that. Je lui dis, ah, pas, oublie ça. Not me. Pas moi. Amen. Amen. Because I believe in myself. Parce que je crois en moi-même. I did not believe in my God. Je n'avais pas cru en mon Dieu. You know what happened to me? Vous savez ce qui m'est arrivé? We started quarrel. Nous avons commencé des problèmes dans ma maison. It was so hot. C'était vraiment trop chaud. Very, very hot. C'était trop chaud. I started desiring divorce. J'ai commencé à désirer divorce. Sometimes I would think if I divorce. J'ai commencé à raisonner si je divorce. What will my friends say? Qu'est-ce que mes amis vont dire? I preach against divorce so strongly that they invite me to come and preach. Je prêche contre le divorce avec effervescence de façon qu'on m'appelle dans différentes églises pour le dire. Now, I will not divorce. Alors, c'est moi maintenant qui va divorcer? Do I even know any woman that I will marry? Est-ce que je connais même la femme que je veux me marier? I don't have any woman in my mind. Je n'ai même pas une autre femme dans ma pensée. I went to Lagos. Je suis allé à Lagos. I went to preach everywhere. Je suis allé prêcher à Lagos partout. Please, if you are gifted, be very, very careful. S'il vous plaît, si tu as un talent, soyez prudent. I mean, gifted by laying hands people for. Be careful. Si tu as l'onction de prier sur les gens tombent, sois prudent. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Because it is not the falling, it is you. Parce que ce n'est pas le fait de faire tomber les gens, mais c'est toi qui es la grâce. The Bible says. La Bible dit. Hi. Hallelujah. Amen. God look for fruit in a man, not the gift. Dieu cherche les fruits qui sont dans l'homme, pas le talent, pas le don. Use the right word. Not the gift. Pas le don. There are many pastors. Il y a beaucoup de pasteurs. They are committing different atrocities. Ils sont en train de faire beaucoup d'atrocités. They will lay hands on you. Et ils vont poser les mains sur toi. You will see miracle. Et vous allez voir le miracle. It's a gift. C'est un don. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? It's a gift. C'est un don. Okay, let me continue with my story. Laisse-moi continuer avec mon histoire. So I went to Lagos. Je suis allé à Lagos. I went to my friend. Je suis allé voir mes amis. I say, you see, in this life. Je dis, tu vois, dans cette vie. If somebody wants to divorce. Si quelqu'un veut divorcer. Is there, it's stupid people that are divorcing. Il y a des gens stupides qui divorcent. When he said that, I said, okay, I could not answer him again. Et quand il m'a répondu cela, je ne pouvais plus parler. I went back. Je suis rentré. The third day. Le troisième jour. I went back again. Je suis rentré. I said, for instance, if I divorce. Je lui dis, par exemple, si je divorçais. He said, are you normal? You need deliverance. Il m'a dit, est-ce que tu es normal? Tu as besoin d'une délivrance. I said, hey, this. Je me suis dit, wow. This is difficult. Ça devient difficile. And my son came to me. Et mon fils est venu. Daddy. Il m'a dit, père. I have a dream. J'ai eu un rêve. I had a dream. J'ai eu un rêve. I said, keep your dream. J'ai dit, garde ton rêve. Because my mind was full. Parce que mes pensées étaient déjà tournées. At that same time, au même moment, my wife said, ma femme m'a dit, she was also planning to run away. Elle était aussi en train de planifier pour quitter. That she was tired. Elle était fatiguée. So my son troubled me till I said, okay, you come, say the dream to me. Et mon fils m'a beaucoup tourmenté. Je lui ai dit, ok, viens alors et dis-moi ton rêve. He said, Daddy. Il dit, père. I saw a woman. J'ai vu une femme. Said, if you see the woman. Il dit, ok, tu as vu la femme? Do you see me with any woman? Et tu m'as vu moi avec une femme? He said, no. Il a dit, non, père. No, when a man is falling, he looks for accusation. You know, quand l'homme est en train de tomber, il cherche les accusations. Because I knew I was not with any woman. Parce que je savais que je n'avais pas une autre femme. I said, what did you see? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as vu? He said, Daddy. Il a dit, père. Listen to me first. Écoutez-moi d'abord. I came to your room while you were sleeping. Je suis venu dans ta chambre, tu dormais. And mommy was by your side. Et maman était à tes côtés. I saw a charm on your head. J'ai vu le fétiche en dessous de ta tête. I removed the charm. J'ai enlevé ce fétiche là. And I went to throw it outside. Et je suis allé le jeter à l'extérieur. I came back as I was coming back. Et quand je rentrais dans la maison, I saw a woman stand. J'ai vu une femme debout in front of me. Devant moi. He said, "It's already over." Elle m'a dit, c'est déjà fini. I have captured your mother. J'ai déjà capturé ta mère. Your father cannot escape. Ton père ne peut pas s'enfuir, m'échapper. We have been working on your father. Nous étions en train de travailler sur ton père. Though it's difficult. Bien que c'était difficile. You cannot deliver your father. Mais now. Tu ne peux pas le délivrer maintenant. When I heard that, I said, "It's a woman." He said, "Yes." Quand mon fils m'a dit ça, j'ai dit, "C'était une femme." Il a dit oui. I said, "But inside my heart, I was saying, but I'm not." Committed any sin? Dans mon cœur, je me disais, mais je ne commets pas de péché. I've not done anything. Je n'ai rien fait. When the seed is in a man, quand la semence est dans l'homme, it begins to grow. Il commence à grandir. When a man gets divorced, can he stay alone? Quand l'homme va divorcer, peut-il rester seul? Ah, answer me. Est-ce qu'il peut rester seul? Now, I went back. I started thinking. Je suis rentré, j'ai commencé à penser. I started thinking. Je commençais à raisonner. What is happening in my life? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? And as I got back, I decided to enter into 3 days fasting. Quand je suis rentré, je me suis décidé d'aller jeûner pour 3 jours. On the second day of the fasting, le deuxième jour de mon jeûne, 2 angels came. 2 anges sont venus. I was now like a boy of about 9 years old. J'étais là par terre comme un garçon de 9 ans. They carried me. Ils m'ont transporté. 2 carried me on my legs. 2 m'ont transporté. One carried me on my legs. The other one carried me on my hand. L'autre qui m'a pris au pied et l'autre m'a pris à la tête. And they shook me like this. Et ils m'ont bougé. A serpent fell down from my waist. Et quelque chose est tombé de ma hanche. Serpent. Oh, le serpent est tombé de ma hanche. When I woke up. Quand je me suis réveillé. I said, wow. This is a revelation. Je dis, mais ça c'est une révélation. And the love of my wife filled my heart again. Et l'amour de ma femme a rempli encore mon cœur. And I called my wife. I said. Et j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit. My dear. Ma chère. Please. S'il te plaît. Are you there? Tu es là? He said yes. Elle a dit oui. I said please. Je lui ai dit s'il te plaît. Forgive me. Pardonne-moi. He said till you come back before I know. Elle a dit jusqu'à ce que tu rentres. Before I will know if it's you that is talking. Reviens d'abord afin que je sache si c'est toi qui parles. What is that seed in you? C'est quelle semence qui est en toi? That seed is blocking the grace that you are carrying. Cette semence est en train de bloquer la grâce que tu as. Lastly, dernièrement, before we pray, avant que nous ne prions, 2 women quarreled. 2 femmes se sont querellées. 2 women quarreled. 2 femmes se sont querellées. And when they quarreled, et quand elles se sont querellées, they were married to one husband. Elles étaient toutes femmes d'un homme. And the family came and said, "Okay, we'll put drink down. Both of you, we taste the drink, and to show that you have forgiven each other." Et la famille est venue pour les réconcilier. La famille a dit, "Nous allons vous donner à boire, et vous toutes deux, vous allez prendre dans un verre pour voir que vous vous êtes réconciliés." And the junior one quickly picked the drink and drank a little and gave it to the senior one. Et la deuxième femme a ramassé directement le verre. Elle a pris quelque chose et l'a donné à la première femme. The first wife took the drink and drank it. Et la première femme a pris et l'a bu aussi. From that time, à partir de ce moment-là, the woman became a drunkard. La femme est devenue soulard. What seed have they sown in you? Quelles semences ont-ils semé en toi? When you were young, quand tu étais jeune, you said there is grace. Tu t'es dit qu'il y a la grâce. I cannot be small. Je ne peux pas être petit. I cannot be poor. Je ne peux pas être pauvre. But what you are seeing today, mais ce que tu vois aujourd'hui, is different from what you saw. C'est différent yesterday. De ce que tu as vu hier. Because there is a seed. Parce qu'il y a une semence. Is someone in the house that is ready to pray? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prêt à prier? Jesus said. Jésus a dit. The prince of this world cometh. Le prince de ce monde vient. They have nothing in me. Il n'a rien en moi. They have nothing in me. Il n'a rien en moi. How many can I say? Combien puis-je encore dire? A boy was so brilliant that every school he went, he was taking first. Il y avait un garçon trop intelligent qu'à chaque école qu'il passait, il était toujours le premier. And the father's wife, the second wife of the father. Et la deuxième femme de son père. Brought biscuit to him early in the morning in the boarding house. Sa marâtre l'a amené les biscuits tôt le matin. In the boarding house. À l'internat. Because he's a young boy. Parce que c'est un petit garçon. He ate the biscuit. Il a mangé les biscuits. He started running away from the school. Et il a commencé à fuir les études. The father would beat him. Le père pouvait les frapper. The mother would beat him. La maman pouvait les frapper. Until this boy grew up. Jusqu'à ce que ce garçon était devenu grand. I said, I was not like that before. Il a dit, mais j'étais pas comme ça avant. My stepmother brought me biscuits. Ma marâtre m'a amené les biscuits. That is when I discovered things started. C'est alors que je me suis rendu compte les choses ont changé. When I entered the school, quand j'entre en classe, I don't feel okay. Je ne me sens pas à l'aise. What seed have they sown in you? Quelles semences ont-ils semé en toi? Lastly, dernièrement, a woman told the son, il y a une femme qui a appelé son fils. You must not marry this girl. Tu ne peux pas te marier à cette fille. You must not marry this girl. Tu ne peux pas te marier à cette fille. And the son said, you cannot stop me. Et le garçon a dit, tu ne peux pas m'arrêter de me marier à this cette fille. This is my wife. Ça, c'est ma femme. I will marry her. Je veux me marier à elle. He went on and married the girl. Et il est allé, il s'est marié à la fille. He met this girl as a virgin. Il a rencontré cette fille, elle était encore vierge. But you know what happened? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? The mother said, no problem. La maman a dit, ok, il n'y a pas de problème. We will see who we win. Nous allons voir qui va gagner. The mother invited them. La maman les a invités. And they ate together. Et ils ont mangé ensemble. Nobody knew what happened. Personne ne savait qu'est-ce qui se passait. This lady, cette fille, started giving her body to even driver, everybody. Come elle a commencé à donner son corps à tout le monde, même au chauffeur. Because a seed had been sown. C'est parce que une semence a été semée. What seed is in you? Quelle semence est en toi? We are Christians. Nous sommes chrétiens. We are people of knowledge. Nous sommes les gens avec connaissance. We learn every day. Nous apprenons chaque jour. The reason you are here, la raison pour laquelle vous êtes because ici, you have come to learn. C'est parce que vous êtes venu pour étudier, pour apprendre. Have you discovered the seed that is troubling you? Est-ce que tu as déjà découvert la semence qui te trouble? What seed is in you? Quelle semence est en toi? I want us to stand on our feet. Je veux que nous puissions tenir debout. We are going to pray. Nous allons prier. When this seed is in a man, quand ce genre de semences sont dans un homme, he begin to behave the way he never planned. Il commence à se comporter de la façon dont il n'avait jamais planifié. At the end, et à la fin, he will begin to justify himself. Il va commencer à se justifier. Take me like that. Comprenez-moi, je suis comme ça. Take me like that. Comprenez-moi, c'est comme ça que je suis. If you can't take me like that, you forget me. Il va dire, comprenez-moi, je suis comme ça et oubliez-moi. If you cannot take me like that, si vous ne pouvez pas me comprendre et m'accepter, forget me. Oubliez-moi. But that is not the original way God created mais you. Ça, ce n'est pas la façon dont Dieu vous a créé originellement. Somebody sowed the seed of drunkenness in you. Quelqu'un a semé la semence de l'ivrognerie en toi. That today, et aujourd'hui, when you take one bottle, quand tu vas prendre une bouteille, you take another one. Tu prends l'autre. Anywhere you are, when you perceive the smell of beer, partout où tu es et tu peux juste sentir l'odeur de la bière. You are already under manipulation. Tu es déjà manipulé. Why? Pourquoi? Because there is a seed. Parce qu'il y a une semence. Today, aujourd'hui, you are going to help yourself. Tu vas t'aider toi-même. Because the grace is available. Parce que la grâce est disponible. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? First of all, la première des choses, you will ask for mercy. Vous allez demander pardon. Because some of us we committed a thing that made the seed to be planted. Parce que la plupart de nous avons commis des choses qui ont apporté la semence en nous. You will ask for mercy. Nous allons demander la miséricorde. Let us begin to pray for commençons mercy. À prier pour la miséricorde. Let us begin to pray for prions mercy. Pour la miséricorde. Ask God for mercy. Demandez pardon. Tell God to have mercy. Dis à Dieu d'être miséricordieux à tell toi. God to have mercy. Demande à Dieu d'être miséricordieux say à toi. God have mercy upon me. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Have mercy upon me. Aie pitié de moi. Have mercy upon me. Aie pitié de moi. Have mercy upon me. Aie pitié de moi. In any way I have become a prey, have mercy. Dans chaque fois que je suis devenu la proie, aie pitié de moi. Begin to pray. Commence à prier. Pray with zeal. Prie with zeal. Prie avec des ailes. Pray with zeal. Prie avec des ailes. Pray with zeal. Prie avec des ailes. Begin to pray. Commence à prier. Pray. Prie. Some people they have the seed of anger. Il y a les gens qui ont la semence de la colère. When they get